Plus loin, elle est déprimée jusqu'à paraître plane, et finalement, elle devient singulièrement concave, et se termine au pôle lui-même en une cavité centrale circulaire dont les bords sont nettement définis, et dont le diamètre apparent sous-tendait alors, relativement à mon ballon, un angle de 65 secondes environ. Quant à la couleur, elle était obscure, variant d'intensité, toujours plus sombre qu'aucun point de l'hémisphère visible, et s'approfondissant, quelquefois, jusqu'au noir parfait. Au-delà, il était difficile de distinguer quelque chose. À midi, la circonférence de ce trou central avait sensiblement décru, et à 7 heures de l'après-midi, je l'avais entièrement perdu de vue. Le ballon passait vers le bord ouest des glaces et filait rapidement dans la direction de l'équateur. 8 avril. J'ai remarqué une sensible diminution dans le diamètre apparent de la Terre, sans parler d'une altération positive dans sa couleur et son aspect général. Toute la surface visible participait alors à différents degrés de la teinte jaune pâle et dans certaines parties, elle avait revêtu un éclat presque douloureux pour l'œil. Ma vue était singulièrement gênée par la densité de l'atmosphère et les amas de nuages qui avoisinaient cette surface. C'est à peine si entre ces masses je pouvais de temps à autre apercevoir la planète. Depuis les dernières 48 heures, ma vue avait été plus ou moins empêchée par ces obstacles. Mais mon élévation actuelle, qui était excessive, rapprochait et confondait ces masses flottantes de vapeur, et l'inconvénient devenait de plus en plus sensible à mesure que je montais. Néanmoins, je percevais facilement que le ballon planait maintenant au-dessus du groupe des grands lacs du Nord-Amérique et courait droit vers le sud, ce qui devait m'amener bientôt vers les tropiques. Cette circonstance ne manqua pas de me causer la plus sensible satisfaction, et je la saluai comme un heureux présage de mon succès final. En réalité, la direction que j'avais prise jusqu'alors m'avait rempli d'inquiétude, car il était évident que, si je l'avais suivi longtemps encore, je n'aurais jamais pu arriver à la Lune, dont l'orbite n'est inclinée sur l'écliptique que d'un petit angle de 5 degrés 8 minutes 48 secondes. Quelque étrange que cela puisse paraître, ce ne fut qu'à cette période tardive que je commençais à comprendre la grande faute que j'avais commise en n'effectuant pas mon départ de quelques points terrestres situés dans le plan de l'ellipse lunaire. 9 avril. Aujourd'hui, le diamètre de la Terre est grandement diminué, et la surface prend d'heure en heure une teinte jaune plus prononcée. Le ballon a toujours filé droit vers le sud et est arrivé à 9 heures de l'après-midi au-dessus de la côte nord du golfe du Mexique. 10 avril. J'ai été soudainement tiré de mon sommeil vers 5 heures du matin par un grand bruit. Un craquement terrible, dont je n'ai pu en aucune façon me rendre compte. Il a été de courte durée, mais, tant qu'il a duré, il ne ressemblait à aucun bruit terrestre dont j'eus gardé la sensation. Il est inutile de dire que je fus excessivement alarmé, car j'attribuais d'abord ce bruit à une déchirure du ballon. Cependant, j'examinais tout mon appareil avec une grande attention, et je n'y pus découvrir aucune avarie. J'ai passé la plus grande partie du jour à méditer sur un accident aussi extraordinaire, mais je n'ai absolument rien trouvé de satisfaisant. Je me suis mis au lit, fort mécontent et dans un état d'agitation et d'anxiété excessive. 11 avril. J'ai trouvé une diminution sensible dans le diamètre apparent de la Terre et un accroissement considérable, observable pour la première fois dans celui de la Lune, qui n'était qu'à quelques jours de son plein. Ce fut alors pour moi un très long et très pénible labeur de condenser dans la chambre une quantité d'air atmosphérique suffisante pour l'entretien de la vie. 12 avril. Un singulier changement a eu lieu dans la direction du ballon, qui, bien que je m'y attendisse parfaitement, m'a causé le plus sensible plaisir. Il était parvenu dans sa direction première, au 20e parallèle de latitude sud, et il a tourné brusquement vers l'est, à angle aigu, et a suivi cette route tout le jour, en se tenant à peu près, sinon absolument, dans le plan exact de l'ellipse lunaire. Ce qui était digne de remarque, c'est que ce changement de direction occasionnait une oscillation très sensible de la nacelle, oscillation qui a duré plusieurs heures à un degré plus ou moins vif. 13 avril. J'ai été de nouveau très alarmé par la répétition de ce grand bruit de craquement qui m'avait terrifié le 10. J'ai longtemps médité sur ce sujet, mais il m'a été impossible d'arriver à une conclusion satisfaisante. Grand décroissement dans le diamètre apparent de la Terre. Il ne sous-tendait plus, relativement au ballon, qu'un angle d'un peu plus de 25 degrés. Quant à la lune, il m'était impossible de la voir. Elle était presque dans mon zénith. Je marchais toujours dans le plan de l'ellipse, mais je faisais peu de progrès vers l'est. 14 avril. Diminution excessivement rapide dans le diamètre de la Terre. Aujourd'hui, j'ai été fortement impressionné de l'idée que le ballon courait maintenant sur la ligne des absides en remontant vers le périgée, en d'autres termes, qu'il suivait directement la route qui devait le conduire à la Lune dans cette partie de son orbite qui est la plus rapprochée de la Terre. La Lune était juste au-dessus de ma tête et conséquemment cachée à ma vue. Toujours ce grand et long travail indispensable pour la condensation de l'atmosphère. 15 avril. Je ne pouvais même plus distinguer nettement sur la planète les contours des continents et des mers. Vers midi, je fus frappé pour la troisième fois de ce bruit effrayant qui m'avait déjà si fort étonné. Cette fois-ci, cependant, il dura quelques moments et prit de l'intensité. À la longue, stupéfié, frappé de terreur, j'attendais anxieusement je ne sais quelle épouvantable destruction lorsqu'un la nacelle oscilla avec une violence excessive, et une masse de matière que je n'eus pas le temps de distinguer passa à côté du ballon, gigantesque et enflammée, retentissante et rugissante comme la voix de mille tonnerres. Quand mes terreurs et mon étonnement furent un peu diminués, je supposai naturellement que ce devait être un quelque énorme fragment volcanique vomi par ce monde dont j'approchais si rapidement. Et, selon toute probabilité, un morceau de ces substances singulières qu'on ramasse quelquefois sur la Terre et qu'on nomme aérolithes, faute d'une appellation plus précise. 16 avril. Aujourd'hui, en regardant au-dessous de moi, aussi bien que je pouvais, par chacune des deux fenêtres latérales alternativement, j'aperçus, à ma grande satisfaction, une très petite portion du disque lunaire qui s'avançait, pour ainsi dire, de tous les côtés, au-delà de la vaste circonférence de mon ballon. Mon agitation devint extrême, car maintenant, je ne doutais guère que je n'atteignisse bientôt le but de mon périlleux voyage. En vérité, le labeur qu'exigeait alors le condensateur s'était accru jusqu'à devenir obsédant, et ne laissait presque pas de répit à mes efforts. De sommeil, il n'en était, pour ainsi dire, plus question. Je devenais réellement malade, et tout mon être tremblait d'épuisement. La nature humaine ne pouvait pas supporter plus longtemps une pareille intensité dans la souffrance. Durant l'intervalle des ténèbres, bien court maintenant, une pierre météorique passa de nouveau dans mon voisinage, et la fréquence de ces phénomènes commença à me donner de fortes inquiétudes. 17 avril. Cette matinée a fait époque dans mon voyage. On se rappellera que le 13, la Terre sous-tendait relativement à moi un angle de 25 degrés. Le 14, cet angle avait fortement diminué. Le 15, j'observais une diminution encore plus rapide. Et le 16, avant de me coucher, j'avais estimé que l'angle n'était plus que de 7 degrés et 15 minutes. Qu'on se figure donc quelle put être ma stupéfaction quand, en m'éveillant ce matin, 17, et sortant d'un sommeil court et troublé, je m'aperçus que la surface planétaire placée au-dessous de moi avait si inopément et si effroyablement augmenté de volume que son diamètre apparent sous-tendait un angle qui ne mesurait pas moins de 39 degrés. J'étais foudroyé. Aucune parole ne peut donner une idée exacte de l'horreur extrême, absolue, et de la stupeur dont je fus saisi, possédé, écrasé. Mes genoux vacillèrent sous moi, mes dents claquèrent. Mon poil se dressa sur ma tête. Le ballon a donc fait explosion? Telles furent les premières idées qui se précipitèrent tumultueusement dans mon esprit. Positivement, le ballon a crevé. Je tombe. Je tombe avec la plus impétueuse, la plus incomparable vitesse. À en juger par l'immense espace déjà si rapidement parcouru, je dois rencontrer la surface de la Terre dans 10 minutes au plus. Dans 10 minutes, je serai précipité, anéanti. Mais, à la longue, la réflexion vint à mon secours. Je fis une pause, je méditai, et je commençai à douter. La chose était impossible. Je ne pouvais en aucune façon être descendu aussi rapidement. En outre, bien que je me rapprochasse évidemment de la surface située au-dessous de moi, ma vitesse réelle n'était nullement en rapport avec l'épouvantable vélocité que j'avais d'abord imaginée. Cette considération calma efficacement la perturbation de mes idées, et je réussis finalement à envisager le phénomène sous son vrai point de vue. Il fallait que ma stupéfaction, m'eût privé de l'exercice de mes sens pour que je n'eusse pas vu quelle immense différence il y avait entre l'aspect de cette surface placée au-dessous de moi et celui de ma planète natale. Cette dernière était donc au-dessus de ma tête et complètement cachée par le ballon, tandis que la lune elle-même dans toute sa gloire, s'étendait au-dessous de moi. Je l'avais sous mes pieds. L'étonnement et la stupeur produits dans mon esprit par cet extraordinaire changement dans la situation des choses étaient peut-être, après tout, ce qu'il y avait de plus étonnant et de moins explicable dans mon aventure, car ce bouleversement en lui-même était non seulement naturel et inévitable, mais depuis longtemps même je l'avais positivement prévu comme une circonstance toute simple, comme une conséquence qui devait se produire quand j'arriverais au point exact de mon parcours, où l'attraction de la planète serait remplacée par l'attraction du satellite, ou, en termes plus précis, quand la gravitation du ballon vers la Terre serait moins puissante que sa gravitation vers la Lune. Il est vrai que je sortais d'un profond sommeil, que tous mes sens étaient encore brouillés, quand je me trouvais soudainement en face d'un phénomène des plus surprenants, d'un phénomène que j'attendais, mais que je n'attendais pas en ce moment. La révolution elle-même devait avoir lieu naturellement, de la façon la plus douce et la plus graduée, et il n'est pas le moins du monde certain que, lors même que j'eusse été éveillé au moment où elle s'opéra, j'eusse eu la conscience du sens dessus-dessous, que j'eusse perçu un symptôme intérieur quelconque de l'inversion, c'est-à-dire une incommodité, un dérangement quelconque, soit dans ma personne, soit dans mon appareil. Il est presque inutile de dire qu'en revenant au sentiment juste de ma situation et émergeant de la terreur qui avait absorbé toutes les facultés de mon âme, mon attention s'appliqua d'abord uniquement à la contemplation de l'aspect général de la Lune. Elle se développait au-dessous de moi comme une carte, et, quoique je jugeasse qu'elle était encore à une distance assez considérable, les aspérités de sa surface se dessinaient à mes yeux avec une netteté très singulière dont je ne pouvais absolument pas me rendre compte. L'absence complète d'océan, de mer, et même de tout lac et de toute rivière, me frappa, au premier coup d'œil, comme le signe le plus extraordinaire de sa condition géologique. Cependant, chose étrange à dire, je voyais de vastes régions planes, d'un caractère positivement alluvial, quoique la plus grande partie de l'hémisphère visible fût couverte d'innombrables montagnes volcaniques en forme de cônes, et qui avait plutôt l'aspect d'éminence façonnée par l'art que de saillie naturelle. La plus haute d'entre elles n'excédait pas 3 miles 3/4 en élévation perpendiculaire. D'ailleurs, une carte des régions volcaniques de Campi Phlegroi donnerait à vos excellences une meilleure idée de leur surface générale que toute description, toujours insuffisante, que j'essayerai d'en faire. La plupart de ces montagnes étaient évidemment en état d'éruption, et me donnaient une idée terrible de leur furie et de leur puissance par les fulminations multipliées des pierres improprement dites météoriques, qui maintenant partaient d'en bas et filaient à côté du ballon avec une fréquence de plus en plus effrayante. 18 avril. Aujourd'hui, j'ai trouvé un accroissement énorme dans le volume apparent de la Lune, et la vitesse évidemment accélérée de ma descente a commencé à me remplir d'alarme. On se rappellera que, dans le principe, quand je commençais à appliquer mes rêveries à la possibilité d'un passage vers la Lune, l'hypothèse d'une atmosphère ambiante, dont la densité devait être proportionnée au volume de la planète, avait pris une large part dans mes calculs, et cela en dépit de maintes théories adverses, et même, je l'avoue, en dépit du préjugé universel contraire à l'existence d'une atmosphère lunaire quelconque. Mais outre les idées que j'ai déjà émises relativement à la comète Donk et à la lumière zodiacale, ce qui me fortifiait dans mon opinion, c'était certaines observations de M. Schrauter, de Lilienthal. Il a observé la Lune, âgée de 2 jours et demi, le soir, peu de temps après le coucher du soleil, avant que la partie obscure fût visible. Et il continua de la surveiller jusqu'à ce que cette partie fût devenue visible. Les deux cornes semblaient s'affilier en une sorte de prolongement très aigu, dont l'extrémité était faiblement éclairée par les rayons solaires, alors qu'aucune partie de l'hémisphère obscur n'était visible. Peu de temps après, tout le bord sombre s'éclaira. Je pensais que ce prolongement des cornes de là du demi-cercle prenait sa cause dans la réfraction des rayons du soleil, par l'atmosphère de la Lune. Je calculais ainsi que la hauteur de cette atmosphère, qui pouvait réfracter assez de lumière dans son hémisphère obscur pour produire un crépuscule plus lumineux que la lumière réfléchie par la Terre quand la Lune est environ à 32 degrés de sa conjonction, devait être de 1356 pieds de roi. D'après cela, je supposais que la plus grande hauteur capable de réfracter le rayon solaire était de 5376 pieds. Mes idées sur ce sujet se trouvaient également confirmées par un passage du 82e volume des Transactions philosophiques, dans lequel il est dit que, lors d'une occultation des satellites de Jupiter, le troisième disparut après avoir été indistinct pendant une ou deux secondes, et que le quatrième devint indiscernable en approchant du limbe. C'était sur la résistance, ou, plus exactement, sur le support d'une atmosphère existant à un état de densité hypothétique, que j'avais absolument fondé mon espérance de descendre sain et sauf. Après tout, si j'avais fait une conjoncture absurde, je n'avais rien de mieux à attendre, comme dénouement de mon aventure, que d'être pulvérisé contre la surface raboteuse du satellite. Et, en somme, j'avais toutes les raisons possibles d'avoir peur. La distance où j'étais de la Lune était comparativement insignifiante, tandis que le labeur exigé par le condensateur n'était pas du tout diminué, et que je ne découvrais aucun indice d'une densité croissante dans l'atmosphère. 19 avril. Ce matin, à ma grande joie vers 9 heures, me trouvant effroyablement près de la surface lunaire, et mes appréhensions étant excitées au dernier degré, le piston du condensateur a donné des symptômes évidents d'une altération de l'atmosphère. À 10 heures, j'avais des raisons de croire sa densité considérablement augmentée. À 11 heures, l'appareil ne réclamait plus qu'un travail très minime, et à midi, je me hasardais, non sans quelque hésitation, à desserrer le tourniquet, et, voyant qu'il n'y avait à cela aucun inconvénient, j'ouvris décidément la chambre de caoutchouc, et je déshabillai la nacelle. Ainsi que j'aurais dû m'y attendre, une violente migraine accompagnée de spasmes fut la conséquence immédiate d'une expérience si précipitée et si pleine de dangers. Mais, comme ces inconvénients et d'autres encore relatifs à la respiration n'étaient pas assez grands pour mettre ma vie en péril, je me résignai à les endurer de mon mieux, d'autant plus que j'avais tout lieu d'espérer qu'ils disparaîtraient progressivement, chaque minute me rapprochant des couches plus denses de l'atmosphère lunaire. Toutefois, ce rapprochement s'opérait avec une impétuosité excessive, et bientôt il me fut démontré, certitude fort alarmante, que, bien que très probablement je ne me fusse pas trompé en comptant sur une atmosphère dont la densité devait être proportionnelle au volume du satellite, cependant, j'avais eu bien tort de supposer que cette densité, même à la surface, serait suffisante pour supporter l'immense poids contenu dans la nacelle de mon ballon. Tel cependant eût dû être le cas, exactement comme à la surface de la Terre. Si vous supposez, sur l'une et sur l'autre planète, la pesanteur réelle des corps en raison de la densité atmosphérique. Mais tel n'était pas le cas. Ma chute précipitée le démontrait suffisamment. Mais pourquoi? C'est ce qui ne pouvait s'expliquer qu'en tenant compte de ces perturbations géologiques dont j'ai déjà posé l'hypothèse. En tout cas, je touchais presque à la planète, et je tombais avec la plus terrible impétuosité. Aussi, je ne perdus pas une minute. Je jetai par-dessus bord tout mon lest, puis mes barriques d'eau, puis mon appareil condensateur et mon sac de caoutchouc, et enfin tous les articles contenus dans la nacelle. Mais tout cela ne servit à rien. Je tombais toujours avec une horrible rapidité, et je n'étais pas à plus d'un demi-miles de la surface. Comme expédient suprême, je me débarrassais de mon paletot, de mon chapeau et de mes bottes. Je détachais du ballon la nacelle elle-même, qui n'était pas d'un poids médiocre, et, m'accrochant alors au filet avec mes deux mains, j'eus à peine le temps d'observer que tout le pays, aussi loin que mon œil pouvait atteindre, était criblé d'habitations lilliputiennes, avant de tomber, comme une balle, au cœur même d'une cité d'un aspect fantastique et au beau milieu d'une multitude de vilains petits peuples, dont pas un individu ne prononça une syllabe ni ne se donna le moindre mal pour me prêter assistance. Ils se tenaient tous, les poings sur les hanches, comme un tas d'idiots, grimaçant d'une manière ridicule et me regardant de travers, moi et mon ballon. Je me détournais d'eux avec un superbe mépris, et, levant mes regards vers la terre que je venais de quitter, et dont je m'étais exilé pour toujours peut-être, je l'aperçus sous la forme d'un vaste et sombre bouclier de cuivre d'un diamètre de 2 degrés environ, fixe et immobile dans les cieux, et garni à l'un de ses bords d'un croissant d'or étincelant. On n'y pouvait découvrir aucune trace de mer ni de continent, et le tout était moucheté de taches variables et traversé par les zones tropicales et équatoriales, comme par des ceintures. Ainsi, avec la permission de vos excellences, après une longue série d'angoisses, de dangers inouïs et de délivrances incomparables, j'étais enfin, 19 jours après mon départ de Rotterdam, arrivé sain et sauf au terme d'un voyage, le plus extraordinaire, le plus important qui ait jamais été accompli, entrepris, ou même conçu par un citoyen quelconque de votre planète. Mais il me reste à raconter mes aventures, car, en vérité, vos excellences concevront facilement qu'après une résidence de 5 ans sur une planète qui, déjà profondément intéressante par elle-même, l'est doublement encore par son intime parenté, en qualité de satellite, avec le monde habité par l'homme, je puisse entretenir avec le Collège national astronomique des correspondances secrètes d'une bien autre importance que les simples détails, si surprenants qu'ils soient, du voyage que j'ai effectué si heureusement. Telle est, en somme, la question réelle. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire, et ce serait pour moi un véritable plaisir de vous les communiquer. J'ai beaucoup à dire sur le climat de cette planète, sur ses étonnantes alternatives de froid et de chaud, sur cette clarté solaire qui dure 15 jours, implacable et brûlante, et sur cette température glaciale, plus que polaire, qui remplit l'autre quinzaine, sur une translation constante d'humidité qui s'opère par distillation, comme dans le vide, du point situé au-dessous du soleil jusqu'à celui qui en est le plus éloigné. Sur la race même des habitants, sur leurs mœurs, leurs coutumes, leurs institutions politiques, sur leur organisme particulier, leur laideur, leur privation d'oreilles, appendices superflus dans une atmosphère si étrangement modifiée, conséquemment sur leur ignorance de l'usage et des propriétés du langage, sur la singulière méthode de communication qui remplace la parole, sur l'incompréhensible rapport qui unit chaque citoyen de la Lune à un citoyen du globe terrestre, rapport analogue et soumis à celui qui régit également les mouvements de la planète et du satellite, et, par suite desquels les existences et les destinées des habitations de l'une sont enlacées aux existences et aux destinées des habitants de l'autre, et par-dessus tout, s'il plaise à vos excellences, par-dessus tout, sur les sombres et horribles mystères relégués dans les régions de l'autre hémisphère lunaire, région qui, grâce à la concordance presque miraculeuse de la rotation du satellite sur son axe avec sa révolution sidérale autour de la Terre, n'ont jamais tourné vers nous, et Dieu merci, ne s'exposeront jamais à la curiosité des télescopes humains. Voilà tout ce que je voudrais raconter, tout cela et beaucoup plus encore. Mais pour trancher la question, je réclame ma récompense. J'aspire à rentrer dans ma famille et mon chez-moi, et comme prix de toute communication ultérieure de ma part, en considération de la lumière que je puis, s'il me plaît, jeter sur plusieurs branches importantes des sciences physiques et métaphysiques, je sollicite, par l'entremise de votre honorable corps, le pardon du crime dont je me suis rendu coupable en mettant à mort mes créanciers lorsque je quittais Rotterdam. Tel est donc l'objet de la présente lettre. Le porteur, qui est un habitant de la Lune, que j'ai décidé à me servir de messager sur la Terre et à qui j'ai donné des instructions suffisantes, attendra le bon plaisir de vos excellences et me rapportera le pardon demandé, s'il a le moyen de l'obtenir. J'ai l'honneur d'être de vos excellences le très humble serviteur. Hans Pfohl. En finissant la lecture de ce très étrange document, le professeur Rudaboub, dans l'excès de sa surprise, laissa, dit-on, tomber sa pipe par terre. Eminer superbus von Underduk, ayant ôté, essuyé et serré dans sa poche ses besicles, s'oublia lui et sa dignité au point de pirouetter 3 fois sur son talon, dans la quintessence de l'étonnement et de l'admiration. On obtiendrait la grâce. Cela ne pouvait pas faire l'ombre d'un doute. Du moins, il en fit le serment, le bon professeur Rudaboub, il en fit le serment avec un parfait juron, et telle fut décidément l'opinion de l'illustre von Underduk, qui prit le bras de son collègue et fit, sans prononcer une parole, la plus grande partie de la route vers son domicile pour délibérer sur les mesures urgentes. Cependant, arrivé à la porte de la maison du bourgmestre, le professeur s'avisa de suggérer que, le messager ayant jugé à propos de disparaître, terrifié sans doute jusqu'à la mort par la physionomie sauvage des habitants de Rotterdam, le pardon ne servirait pas à grand-chose, puisqu'il n'y avait qu'un homme de la Lune qui pût entreprendre un voyage aussi lointain. En face d'une observation aussi sensée, le bourgmestre se rendit, et l'affaire n'eut pas d'autre suite. Cependant, il n'en fut pas de même des rumeurs et des conjectures. La lettre, ayant été publiée, donna naissance à une foule d'opinions et de cancans. Quelques-uns, des esprits par trop sages, poussèrent le ridicule jusqu'à discréditer l'affaire et à la présenter comme un pur canard. Mais je crois que le mot canard est, pour cette espèce de gens, un terme général qu'ils appliquent à toutes les matières qui passent leur intelligence. Je ne puis, quant à moi, comprendre sur quelle base ils ont fondé une pareille accusation. Voyons ce qu'ils disent. Avant tout, que certains farceurs de Rotterdam ont de certaines antipathies spéciales contre certains bourgmestres et astronomes. Secondo, qu'un petit nain bizarre, escamoteur de son métier, dont les deux oreilles avaient été, pour quelque méfait, coupées au ras de la tête, avait depuis quelques jours disparu de la ville de Bruges, qui est toute voisine. Tertio, que les gazettes collées tout autour du petit ballon étaient des gazettes de Hollande, et conséquemment n'avaient pas pu être fabriquées dans la Lune. C'étaient des papiers sales, crasseux, très crasseux, et Gluck, l'imprimeur, pouvait jurer sur sa Bible qu'ils avaient été imprimés à Rotterdam. Quarto, que Hans Pfaul, lui-même, le vilain ivrogne, et les trois feignants personnages qu'il appelle ses créanciers, avaient été vus ensemble, deux ou trois jours auparavant tout au plus, dans un cabaret mal famé des faubourgs, juste comme ils revenaient, avec de l'argent plein leur poche, d'une expédition d'outre-mer. Et en dernier lieu, que c'est une opinion généralement reçue, ou qui doit l'être, que le collège des astronomes de la ville de Rotterdam, aussi bien que tout autre collège astronomique de toute autre partie de l'univers, sans parler des collèges et des astronomes en général, n'est, pour n'en pas dire plus, ni meilleur, ni plus fort, ni plus éclairé qu'il n'est nécessaire. Fin de la section 9. Enregistré par Stéphanie.